J'aime les roses. J'aime les roses. J'aime les roses fanées. Les vieilles peaux. Les vieilles peaux. J'aime les vieilles peaux. Ceux qui boudent, les vieux boudent, n'y connaissent rien. Aux danses de l'enfer, je préfère. Vas-y, ma mère. Foxtrot des années 20. J'aime les roses. J'aime les J'aime les roses fanées. J'aime les vieux qui débloquent. J'aime les vieilles guenons. Des vieilles chouettes. Oh, ça sent chouette. L'after chez l'océan. J'aime les roses. J'aime les roses. J'aime les roses fanées. Elle se pique, ses vieilles biques, d'avoir de beaux restes. Vieux fossiles, leurs fossiles, cachent des pensées un peu lestes. J'aime les roses. Oui, tu l'as dit. J'aime les roses fanées. Chicalo. Les vieilles peaux. Chicalo. Les vieilles.